souvenir d'un marchand de tableaux? Chapitre 12, troisième partie, un almanach du Père Ubu. Ce fut dans une des réunions de la cave, cette cave dont j'ai raconté l'histoire, que naquit l'idée d'un almanach du Père Ubu. Il faisait suite à l'almanach de poche que Jarry avait fait paraître après les représentations du Burois. Le nouvel almanach devait être, d'abord, exclusivement colonial. L'idée en était venue à Jarry en m'entendant raconter les histoires nègres de mon pays. Mais au fur et à mesure que le texte s'élaborait, d'autres éléments s'y ajoutèrent par les apports de Jarry, Fagus, Claude Terrasse et quelques autres collaborateurs occasionnels. Il suffit de 3 jours aux auteurs et à l'illustrateur Pierre Bonnard pour établir cette éphéméride qui s'imposait, en raison du nombre si restreint des almanachs utiles et surtout de leurs regrettables omissions. Par exemple, quel almanach contient des pages destinées à consigner notre examen de conscience? Nous comblâmes cette lacune. Le premier jour de l'an, dès que la sonnerie de son réveil matin avait retenti, le Père Ubu extirpait sa conscience de la table de nuit où il la tenait enfermée. Il se rappelait alors qu'il faut prendre de fortes résolutions au début de l'année. Par exemple, se jurer que l'on changera de chemise au moins une fois tous les 12 mois. De même, comme un almanach bien compris doit propager les découvertes les plus importantes pour les humains, le Père Ubu donnait à ses lecteurs la primeur de 3 inventions capitales qu'il se proposait de faire breveter. Premièrement, le parapluie, instrument que l'on peut tenir d'une seule main et qui supprime fort opportunément les 4 porteurs d'un dé. Deuxièmement, les pantoufles, qui isolent les pieds du sol sans avoir besoin de déplacer de très lourds et très encombrants tapis à mesure de l'avance des 10 pieds. Troisièmement, les gants, qui empêchent de voir que vous avez les mains sales. Etc., etc. Autre chose encore, nous avions observé que les mêmes noms de saints et de saintes se retrouvent dans tous les almanachs. Henri, Jacques, Lucien, Philippe, Paul, Alphonse, Léon, Antoine, Marguerite, Jeanne, Louise, Antoinette, etc. Nous ne voulûmes pas que notre almanach encourût le même reproche. Aussi décidâmes-nous de procéder à de minutieuses investigations hagiographiques et autres pour distinguer, parmi la foule innombrable du martyrologue, les saints qu'il convenait de tirer de l'oubli où une coupable indifférence les condamnait à demeurer. La tâche nous fut grandement facilitée par le regretté Fagus, qui était alors attaché dans une mairie au bureau des déclarations de naissance. À ce titre, il détenait la liste administrative des prénoms autorisés par la loi. Cette nomenclature officielle nous offrait toute garantie. Nous pouvions, dès lors, y puiser, en toute sûreté, pour composer notre phalange des patrons célestes. Ainsi nous fut-il possible de révéler aux pères de famille et autres, ayant à faire des déclarations de naissance, les beaux noms de sainte Oringue, vierge, de saint Pelade, évêque, de sainte Goule, de saint Dimanche, abbé, de saint Profit, de sainte Prépédigne, martyr, de saint Barzanuf, soldat, de saint Galmier, sous-diacre, de saint Carpe, évêque, de sainte Viole, vierge et martyr, de saint Conon, confesseur, de saintes spécieuses, de saintes brosses, de saints saints, S-E-I-N, de saintes tanches et de saintes péronnelles. Je dois faire observer qu'on trouve également, dans le calendrier du Père Ubu, d'autres prénoms de saints et de saintes qui ne figurent pas dans la liste autorisée par la loi de Germinal, tels que Saint Birbe, Saint Sagouin, Saint Asperge, Saint Tignasse, Saint Chemin de Fer, Saint Esturgeon, Sainte Gigolette, Sainte Tourte, Saint Pistolet, Saint Zèbe, Saint Diapason, Sainte Flanelle, Saint Attentif, Sainte Bobine. En l'occurrence, chacun apportait les noms qu'il avait notés, affirmait-il, au cours de lecture d'ouvrages édifiants. Quels étaient ces ouvrages et leurs auteurs ? Je manifestais mon scepticisme. Mais, rétorquait Jarry, puisqu'il existe un Pelade, une Spécieuse, qui sont devenus des saints, pourquoi une Moule, un Sagouin, une Tignasse, une Tourte, ne seraient-ils pas un jour élevés sur les autels ? Ainsi, grâce à cette audacieuse, mais logique anticipation, notre almanach, tout en rendant hommage aux saints du passé, honorer ceux de l'avenir. Nous eûmes aussi à cœur de combler une autre déplorable lacune relativement à la chose coloniale. Autrement dit, les almanachs antérieurs aux nôtres ne soufflaient mot de ce qui se passait dans nos colonies. Justement, mon île natale me fournissait ample matière à pittoresque. Tout cela est idiot, me répondait-on généralement. « Voir, » ripostait Jarry. Il lui semblait que la sagesse habitait l'âme des nègres dont je rapportais les propos. Une certaine remarque de l'un d'eux l'enchantait. Ce noir avait désigné le ruban rouge que portait quelqu'un. « Qu'ossa ça, ce petit ligature ?» On lui expliqua que ce ruban était un signe d'honneur, de dignité. Et le nègre de rétorquer. Mettre l'honneur ensemble, la dignité, dans de marmite, vous va voir s'il vient d'ouri. Quel philosophe antique, disait Jarry, nous offre pareil sujet de méditation. Je rapportais aussi à Jarry l'aventure que m'était arrivée avec un cher frère nègre. Ma tante Noémie m'avait toujours dit que ma mauvaise écriture m'empêcherait de faire mon chemin dans le monde. Aussi, mon baccalauréat passé, je voulus perfectionner ce satané graphisme avant de partir pour la France. J'allais m'adresser aux frères des écoles chrétiennes, lesquels avaient la réputation de détenir le secret de ces plaints et de ces déliés, qui faisaient de leurs élèves les émules des meilleurs calligraphes. Mais, interrogea le frère noir qui me reçut, quelles études avez-vous faites ? Je suis bachelier, est-ce lettres ? Lui répondis-je non sans fierté. Et d'abord, savez-vous la formation des lettres de l'alphabet ? Nous allons voir ça. Voulez-vous me dire quelles sont les formes mères du petit A ? Mais tout naturellement, le petit O et le petit I. Le frère sourit. Je vois, vous avez encore tout à apprendre. Suivez-moi. Il m'entraîna vers une volière où j'accassai des perroquets. Le petit A ? Cria le frère. 10 perroquets jetèrent en cadence. Le petit A est formé du petit C, lettre mère, et du petit I. Également lettre mère. L'étrange examen continua. Infatigablement, les perroquets énuméraient les lettres mères et les lettres qui n'étaient pas des lettres mères. Bref, j'étais émerveillé et surtout collé. Soudain, le frère ayant demandé « Quelle est la racine du grand Q ?»« Le grand O, lettre mère, » m'écriai-je. Le grand O, qui n'est pas une lettre mère, corrigea l'un des oiseaux. Après plusieurs interrogations de ce genre, qui furent autant de défaites pour moi, on arriva à la lettre T. Il est formé d'un petit trait vertical coupé dans le haut d'un trait horizontal, proférai-je avec assurance. Un perroquet blanc, qui épluchait avec componction un radis rose, darda vers nous son œil rond et prononça « Le petit T est formé du petit I, lettre mère. Prolongé, il est coupé, à l'endroit du point, par une barre transversale. » Tout déconfit, je jugeai opportun de changer de conversation. « Pourquoi, dis-je au frère, certains de vos perroquets ont-ils une chaîne à la patte qui les attache à leur perchoir, tandis que les autres sont libres ?»« Les perroquets ayant une chaîne à la patte, et dont vous avez pu remarquer l'air méditatif, attendent d'être transportés dans les cours où nos enfants sont en récréation. Là, du haut de leur perchoir, ils débagoulent tout l'enseignement que nous leur avons donné. Ainsi, ressassés interminablement, nos leçons finissent-elles par pénétrer nos gamins et s'incruster dans les têtes les plus dures. Quant à ces perroquets que vous voyez faire du trapèze volant, ce sont des jeunes dont l'instruction n'est pas complète. Mais tout en s'amusant, ils continuent d'apprendre, à l'école de leurs aînés, jusqu'au jour où leurs connaissances leur donneront droit à la chaînette et au perchoir de répétiteur. Un jeune perroquet, qui faisait de la voltige, s'écria tout à coup. « Le petit O, lettre mère !»« Qui n'est pas une lettre mère !» corrigea un vieux perroquet, qui se précipita vers l'étourdi, et lui asséna sur la tête un bon coup de bec. Vraiment, dis-je au frère, désireux moi aussi de parfaire mon instruction. Si vous avez un jour un de ces professeurs de trop. Mais le frère, vivement, nous en manquons, monsieur. D'abord, les familles nous en réclament pour faire travailler leurs enfants arriérés. De plus, nous sommes les fournisseurs attitrés des missionnaires. Nous préparons spécialement pour eux des moniteurs qui sont leurs auxiliaires les plus précieux. Et ces suppléants demeurent toujours fidèles au poste? Ne tentent-ils jamais de s'échapper? Oh, de temps à autre, oui, quelques-uns s'évadent, invinciblement attirés par l'appel de la forêt. Mais là encore, ils peuvent être de la plus grande utilité. Ainsi, un de nos frères étant tombé entre les mains de cannibales, ceux-ci allaient le faire cuire lorsque l'infortuné entendit un perroquet qui psalmodiait dans un arbre. « Le petit A, lettre mère, le petit A, lettre mère. » « Qui n'est pas une lettre mère ?» rectifia machinalement le prisonnier, dont la tête émergeait d'une cuve où il marinait avant d'être rôti. Le dialogue se poursuivit entre le frère et l'oiseau. Émerveillé, les cannibales se prosternèrent devant leur captif et le supplièrent de leur apprendre la langue des perroquets. Et voilà comment un de nos frères fut sauvé de la broche. Mais, dis-je à mon tour, que de pays encore où le missionnaire n'a pas pénétré? Pourquoi ne pas utiliser, là, des perroquets qui auraient vite fait d'instruire leurs congénères? Ainsi, de proche en proche, tout le monde recevrait les bienfaits de l'instruction. Le visage de mon interlocuteur s'éclaira. « Excellente idée! Je vais en référer à notre frère directeur. » Je me rappelais cette description hallucinante de la fin du monde par le poète Léon Dierx. Dernier survivant d'un monde retournant au chaos. Des perroquets volés de ci de là et jetés dans l'espace les mots qu'ils avaient appris de leur maître. Amour, gloire, honneur, liberté, égalité, fraternité. Je pensais, moi, que les perroquets des frères nègres substitueraient à ces vérités périmées des vérités éternelles. Le petit A, qui n'est pas une lettre mère. Le petit C, lettre mère. Jarry m'avait écouté, visiblement intéressé. Votre histoire de perroquet me semble assez véridique. Mais n'oublions pas que notre almanach, s'adressant au grand public, ne doit pas contenir l'ombre seulement d'une invraisemblance. Comme moniteurs, nous mettrons à la place des perroquets des petits nègres qui jailliront d'une boîte à ressort. » L'almanach du Père Ubu devait paraître sans le nom de l'imprimeur, effrayé au dernier moment des audaces que nous avions eues. Il fut imité par tous les collaborateurs de l'almanach, aussi bien les auteurs que l'illustrateur. Je ne pouvais m'attendre à un succès d'argent avec un ouvrage désavoué avant que d'avoir paru. Afin de séduire les acheteurs, je lançai l'almanach comme une occasion. Le tirage de 1000 exemplaires m'avait coûté 1000 francs. Je mis chaque volume à 1 franc. Seul le flammarion du boulevard des Italiens se hasarda à prendre ferme 5 exemplaires. Les autres libraires ne consentirent même pas à le recevoir à condition. Comme je croyais que notre almanach était dédaigné à cause de son bon marché, je doublai hardiment le prix. Mais il ne se trouva pas plus d'amateurs à 2 francs qu'à 1 franc. Je dois reconnaître que l'almanach du Père Ubu, conçu dans l'atmosphère de la cave, réalisé dans l'excitation du moment, n'avait vraiment d'intérêt que pour ses auteurs. Le tirage terminé, à part quelques exemplaires que je m'étais fait livrer, l'édition tout entière était restée chez l'imprimeur. Un jour, beaucoup plus tard, un libraire vint me demander combien d'exemplaires il me restait de l'almanach du Père Ubu. Dans les 900, je crois. J'achète tout, à 8 francs pièce. Je courus chez l'imprimeur. Il avait déménagé sans laisser d'adresse. Après maintes tentatives, je finis par retrouver l'un de ses anciens employés. Ce fut pour apprendre que l'imprimeur était mort. « J'avais chez lui, dis-je, un ouvrage qui attendait d'être livré. Je me rappelle seulement un livre en feuille d'un nommé le Père Ubu, quelque chose qui était complètement idiot du reste. Pour éviter des frais de magasinage, on a tout mis au pilon. »